nous sommes. La barbe. Pire ale, lime ou framboise. Blanche ou mûre. Parce que nous sommes. La Barberie. India Pale Ale. Stout Imperial. Cuivré ou thé. Brasse camarade. La Barberie. Parce que nous sommes différents. Bonsoir amateurs de musique progressive, vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec, c'est l'émission Terra Incognita de 22h à minuit ce soir et vous êtes en compagnie de Bruno Côté à la mise en onde et de Jean-François Lamarre à l'animation. Et vous pouvez nous rejoindre au 640 1586 si vous voulez nous jaser pendant les pauses musicales. Mais aussi vous pouvez aller à ckrl.qc.ca parce que le podcast est toujours disponible et ça c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup de commentaires positifs, les gens adorent ça. Grosse nouvelle du côté des spectacles cette semaine, en fait ça fait déjà une couple de semaines mais les billets étaient en vente plus récemment. Roger Waters, The Wall, le 21 juillet, ça fait un malheur et évidemment, il y a eu beaucoup de demandes et les jeux sont faits maintenant, je pense. Peter Gabriel qui sera au Colisée le 16 septembre, une autre grosse nouvelle. Il y a aussi Carsius qui lance un album qui s'appelle The First Day. Beaucoup d'autres nouvelles et beaucoup de jazzage aussi. Mais on va commencer en musique avec O Sonaten qui nous a sorti un très bel album qui s'appelle The Rime of the Ancient Mariner Part 1. Et notre ami Marc Chaunet nous en a fait jouer un petit peu la semaine dernière. Et il y aura aussi du Balloon Astronomy, Ariane Anthony Lucasson et Garden Wall. Mais on y va tout de suite en musique avec O Sonaten. shadows of yesterday hang on the wall. The visitors drifting like ghosts in the hall. The three sirens waiting, a red warning cry. The circling vultures are waving goodbye. We'll be right back. printed noise in millions of gigs of all kinds and in all formats. Imagine 7D Plus. Flash your ID, pick your heart's desire. Click it, keep it. This auto drive pre-shock moment. Every song's been sung before. Every note's been played. Every chord's been strummed before. And every melody's been made. They heard it all by now. Nothing left to be inspired by. It all seems so unreal somehow. As I sit back and close my eyes, I just think of what I like. Any blend will do. They reproduce what's in my mind. But it feels like something new. In a purple zeppelin. Same old sound, different song. Pink Beatles in a purple zeppelin. Sounds so right, feels so wrong. Every tune's been hung before. Every album's been produced. Every rhyme's been applied before. And every music style has fused. I just think of what I like. Any blend will do. They reproduce what's in my mind. But it feels like something new. Pink Beatles in a purple zeppelin. Same old sound, different song. Pink Beatles in a purple zeppelin. Sounds so right, feels so wrong.

La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Et nous sommes de retour après un extrait du dernier album. Du dernier album de Garden Wall qui s'appelle Assurdo. Garden Wall avait sorti un très bon disque là, qui s'appelait Principium il y a plusieurs années, puis après ça, il a sombré dans une sorte de métal. Cet extrait-là qui s'appelle Reawakening, disons que ça sonnait un petit peu plus varié, là. Il y avait un petit peu toutes sortes de choses là-dedans. On a ici un invité qui s'appelle Gilbert. Bonjour Gilbert. Bonjour. Si tu veux t'approcher du micro, mon cher Gilbert, sans trop bouger. Oui, on a aussi Alexandre et Simon. Et juste avant ça, on avait Arlian Anthony Lucassen qui a sorti un très beau disque qui s'appelle Lost in the Real, New Real, pardon. Et la pièce qu'on a entendue s'appelle Pink Beetles in a Purple Zeppelin. Ça, mon cher Gilbert, ça dit-tu quelque chose? Honnêtement, je veux dire, je suis ici puis j'apprécie grandement, mais c'est sûr et certain que j'ai pas la même connaissance que peut-être que Jean-François tu peux avoir. Non, mais il y a des petits mots-clés là-dedans, comme Pink. Tu es un grand amateur de Pink Floyd. Ben ça, j'ai une belle casquette d'ailleurs. Bon, et quand on dit Pink Beetle, le Purple de Zeppelin, donc Purple pour Deep Purple, Zeppelin évidemment pour Led Zeppelin, yes. Donc on voit qu'il y a un ramassis de toutes sortes de choses là-dedans, et c'est une pièce qui sentait les Beatles à plein nez. Et ben moi, je trouve ça bien le fun, ce disque-là. Je pensais que M. Arian, parce que c'est un monsieur, Arlian Anthony Lucassen, c'est un Hollandais, qui fait partie d'un groupe qui a sorti des très bons disques. Le groupe s'appelle Arian, mais il a aussi fait partie de Stream of Passion, qui a sorti des disques plus métal, Guilt Machine, qui est un petit peu dans ce mood-là, Star One, qui est très, très métal aussi. Et je m'attendais que ça soit un petit peu plus métal, ce disque-là, mais non, ça sonne plus un petit peu la pop, c'est beaucoup éclectique. Puis on retrouve aussi un cover de Led Zeppelin, on en parlait tantôt. Mm-hmm. Welcome to the Machine, ça dit quelque chose. Oui. Et M. Lucassen, c'est pas cela qu'on va entendre, mais on va entendre plus tard dans un autre bloc, Battle of Evermore de Led Zeppelin. Ben, ça va être bon. Ben oui, sûrement. On avait aussi un groupe qui est un nouveau groupe qui s'appelle Balloon Astronomy. Un drôle de nom pour un duo qui se fait accompagner de Nick DiVirgilio, ancien batteur de Spokesbeard, et de Mike Kennelly, qu'on verra au NIRFES 2012. Parlant du NIRFES, c'est avec consternation qu'on a appris le retrait de Aloy, qui malheureusement ne pourra pas être là parce que Frank Bornman avait eu un accident au cours du mois de mars. Et ses conditions de santé font en sorte qu'il ne pourra pas se déplacer. On a appris ça il y a juste quelques jours. Il sera remplacé par Eddie Jobson, qu'on a vu à Québec dernièrement, mais malheureusement, ou plutôt heureusement, ce ne sera pas la même formule. Ça va être avec deux musiciens différents, c'est-à-dire Alex Makacek, qu'on a vu avec Hugh Casey, qu'on avait pu écouter dans les derniers mois. Et ce monsieur-là a joué aussi avec Planet X. Il y aura aussi Gary Osborne qu'on avait vu à Québec avec Alan Holdsworth. Et ce bloc-là avait commencé avec Oz Sonaten et son très bon album Rime of the Ancient Mariner. Là, on va y aller avec Citizen Kane. Ça, c'est un nom qui vous dit sans doute quelque chose, messieurs. Mais pas pour le nom de ce groupe-là. Ce groupe-là avait fait malheur dans les années 90 parce qu'il y avait un son qui sonnait beaucoup de Genesis. Et s'était fait remarquer de cette façon-là. On l'avait perdu de vue un peu parce que le dernier album date de 10 ans. Mais là, il nous revient avec un disque qui s'appelle Skies Darken. Et ça sonne plutôt bien. C'est un disque qui est assez long. On va en entendre un long extrait de 12 minutes 25. Donc, on y va tout de suite avec Citizen Kane. Johnny can't see in the dark with his eyes closed, stumbling blindly around there. Johnny can't hear in the dark, and Johnny's afraid of the dark with his mind closed, stumbling blindly around there. Johnny's asleep in the dark. It's the wind in the willows. It's the ghost of the night. Children have long, long astray. And if you think there is room for escape, wrong.

que le vide de mon existence. Le temps s'est arrêté, une pause infinie. Le trou noir laissé par ton absence a englouti la lumière de mon univers. we still have some time. Everybody wants to hear you. Say it now, we still have some time. Parce que nous sommes la Barberie. Pire ale, lime ou framboise. Blanche ou mûre. Parce que nous sommes la Barberie. India Pale Ale, Stout Impérial. Cuivré ou thé. Brasse camarade. La Barberie. Parce que nous sommes différents. Hey, je viens de terminer l'un des trois trajets du parcours artistique de la Manif d'Art 6. Wow! Avec la thématique axée sur les machines, c'est vraiment impressionnant ce qu'on y voit. En plus, demain, je vais assister à une conférence d'un artiste vraiment spectaculaire. La Biennale est du 3 mai au 3 juin et c'est à Québec. C'est un des plus grands événements en art actuel au Canada. Imagine, 80 artistes répartis dans 30 lieux. Tu devrais essayer le parcours et te renseigner sur les activités offertes. Le site manifdart.org contient tous les détails. Il y a même une application mobile. On y va ensemble. Demain? Vous désirez devenir membre du 89.1? Allez sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton « Devenir membre ». Pour seulement 25$, participez au développement culturel de votre radio favorite. Votre carte est valide un an, peu importe la date d'achat. J'insisterai pas pour vous dire que la bière, la CKRL, c'est la meilleure au monde. Ça pourrait inciter à la consommation. J'utiliserai pas non plus une voix langoureuse pour vous convaincre que la bière, la CKRL, coule bien en bouche. Parce que vous allez croire que je fais des allusions au sexe. Je vous dirai pas non plus sur un ton intime des explosions de saveurs d'agrumes qui vous donnent des frissons. Ça pourrait porter à confusion. Par contre, je peux vous dire que la bière, la CKRL, qui est quand même la meilleure bière brassée par la Barberie, est disponible chez l'accommodation GD, 500 3e Avenue à Limoilou, et au dépanneur La Duchesse d'Aiguillon, 601 rue d'Aiguillon dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Ou bien, vous pouvez aussi la savourer au Bal du Lézard ou au Bar Le Sacrilège. De toute façon, la CKRL, c'est la meilleure bière au monde, selon moi. CKRL 89.1. À Québec. Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard. 26 ans de spectacle. 26 ans d'exposition. 26 ans à recycler. 26 ans de produits du Québec. 26 ans de bonne musique. 26 ans de party. 26 ans à s'impliquer dans le quartier. 26 ans d'entraide. 26 ans à changer le monde. 26 ans de Limoilou libre. Souvent imité, mais le bal, c'est le bal. 1049 3e Avenue Limoilou. Lebaldulézard.com. Et nous sommes de retour avec mes amis Gilbert, Simon et Alexandre. Et on a terminé ce bloc avec Kidam. Et c'est un album assez récent, ça aussi, qui s'appelle... Mon Dieu, que c'est écrit petit. Seco. On a entendu Walek. Et juste avant, Jellyfish de Montréal, avec la pièce Le Vide. Inner Odyssey de Québec, qui a été en entrevue la semaine dernière avec Marc. Et on avait débuté avec Citizen Kane, qui fait des progrès, ma foi. Et on parlait tantôt avec Simon, où ce qu'on disait que le groupe de Roger Waters venait à Québec, mais pas nécessairement pour le cash. C'est ce que Simon mentionnait. Et j'ai ici, dans un magazine qui s'appelle Progressis, on demande à Gavin Harrison qu'est-ce qu'il a aimé le plus dans sa carrière, puis il dit que c'est le festival d'été, le show que Porcupine Tree a donné au festival d'été. Donc c'est quand même intéressant de voir que ça a été dit, pas un journaliste de Québec, mais un journaliste hollandais. Et on va y aller avec Red Sun, un autre groupe de Québec. Oh, faut que je reprenne mon souffle. Et on va avoir aussi après Ariane Anthony Lucasson avec la pièce Battle of Evermore, un cover de Genesis. Et ce sera suivi de Is et My Brother, The Wind. has to go. The prince of peace embraced the gloom and walked the night alone. Thank you. circumstance, you might take that chance. Careful with the words you use, and the people who you're talking to must already agree with you. So every day, hide away any thoughts you think has worth to gravity. Pulls you down, back onto the

will never die. My feelings will always shine. Just want me to be Anathema avec un nouvel album qui s'appelle Weather Systems. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Untouchable Part 1. Et Anathema, comme à son habitude, dit que c'est le meilleur album jusqu'à maintenant. Oui, il est sûrement pas mauvais, mais est-ce que c'est le meilleur? Disons que le We Are Here Because We Are Here, qui est sorti juste avant, avait mis la barre assez haute. Et on verra avec un petit peu de recul si Weather Systems est vraiment aussi bon. Je vous rappelle que les Flower Kings sortent un album qui s'appelle Banks of Eden prochainement. Moi, j'ai la date du 19 juin, mais ça dépend des endroits. Et c'est un grand retour pour Flower King après, je pense que ça remonte à maintenant 7 ans, 5 ou 7 ans, le dernier Flower King. Ron Stolt était allé avec Agent of Mercy, s'était investi là-dedans. Il considérait que les gens prenaient trop pour acquis. Les Flower King et en tenait plus compte. Donc il a décidé de donner un petit break, mais là le goût lui est revenu. On va entendre tout de suite un album qui s'appelle Storm Corrosion, c'est-à-dire que c'est Michael Åkerfeldt et Steven Wilson qui ont sorti ensemble cet album-là. Et finalement, ça ressemble à aucun des deux groupes. Ça sonne plutôt atmosphérique, c'est loin du Hoppet et c'est pas tellement près non plus du Porcupine Tree. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. On va entendre une pièce qui s'appelle Lost Hole. Et tout de suite après, on va entendre The Skies avec une pièce qui s'appelle The Pyramid. Et Skies, il y a la particularité d'être un groupe lituanien. On n'en connaît pas beaucoup, des groupes de ce pays-là. Et on va entendre cette pièce-là, Pyramid, d'un disque qui s'appelle Color of Desert. Et vous allez constater que c'est un groupe assez intéressant. Donc on y va tout de suite avec Storm Corrosion. The Thank you. C'était The Skies, un groupe de Lituanie. C'est un deuxième album avec des invités, une bonne pléiade, là, dont Tony Spada, qu'on avait connu dans les années 90 avec un très bon disque, s'appelait The Balance of Power. Et il y a aussi Anne-Marie Alder, qui a fait partie de Mosley Houghton et Panic Room. Et c'est déjà presque tout pour nous. Restez à l'écoute pour l'émission L'Autoroute avec Stéphane. Et on termine avec le duo composé de Richard Barbieri de Porcupine Tree et Steve Hogarth de Marillion, qui ont sorti un album cette année dont ils sont assez fiers. Ça s'appelle Not the Weapon, but the End. Et c'est, comme on s'en doute, un petit peu atmosphérique quand on connaît les travaux de M. Barbieri. On connaît aussi les penchants de Steve Hogarth là, pour les vocalises, là. Un petit peu atmosphérique aussi. Donc on y va avec une pièce qui s'appelle Red Kite et il nous reste qu'à vous remercier d'avoir été là et si vous voulez réécouter l'émission, c'est en podcast. Bonne soirée tout le monde. Motionless against the scudding.